First, let's pay homage to Lord Buddha together. Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Saddhasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Thank you. Today, we are going to Chaita Visuddhi, okay? Purification of mind. Yesterday, we discussed the Sila Visuddhi, purification of Sila morality as foundation of meditation. Today, second level, we are going to purification of mind. It is belong to samadhi, okay? Samadhi, the concentration. We are going to this session today, okay? Donc aujourd'hui, on va passer à Citta Visuddhi, la purification de l'esprit. Hier, on a discuté de Sila Visuddhi, la purification de la moralité, qui sert de fondement pour la pratique de la méditation. Aujourd'hui, on passe au second niveau. On passe à la purification de l'esprit, Citta Visuddhi, ce qui fait partie de Samadhi, la concentration. Donc, dans les temps anciens, avant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des moines bouddhistes et aussi des laïcs, mais il y avait peu de laïcs encore à l'époque, pratiquaient plutôt Samatha, pratiquaient la plupart du temps le véhicule de Samatha. Donc Samatha, ça recouvre beaucoup de choses, Buddhanusati, Dhammanusati. On utilise le rosaire, par exemple, pour pratiquer Samatha, pour favoriser la concentration. C'est pas propre aux bouddhistes d'ailleurs, on utilise ça dans l'islam, les hindous utilisent ça, c'est très répandu, les chrétiens, etc. Par exemple, on répète Arahan, Arahan, Arahan, les qualités du Bouddha. Ou alors Bouddha paisible, Bouddha paisible, Bouddha paisible. On peut aussi pratiquer metta, metta bhavana, ça fait partie de samatha également. Le matin, vous avez déjà pratiqué metta. Et metta, en fait, peut aussi s'appliquer pour atteindre les jhanas. Donc, c'est pas nécessairement uniquement quelque chose qui se pratique pour quelques instants à l'occasion. Ça peut être quelque chose qui peut être développé pour atteindre les jhanas, rupa jhana ou arupa jhana. Donc rupa, les jhanas de la matière subtile, et arupa, les jhanas immatériels. On peut aussi utiliser anapanasati, c'est ok. On peut utiliser anapanasati, donc la concentration sur le va-et-vient du souffle, pour atteindre le calme mental avant de pratiquer vipassana, c'est acceptable. Donc on peut, en résumé, on peut atteindre toutes sortes de méthodes pour atteindre les jhanas. Donc maintenant, du point de vue pratique, on pratique pour l'instant anapanasati, c'est-à-dire l'attention au va-et-vient du souffle au niveau des narines. Bon, maintenant, on est dans un centre mahasi, donc on peut pratiquer aussi le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, comme vous souhaitez. Observez uniquement le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, ou le va-et-vient du souffle au niveau des narines, c'est samatha, si on observe cela exclusivement. Cet après-midi, on verra, quand on étudiera l'Anapanasati Sutta, on verra qu'on peut aussi utiliser le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen pour la pratique de Vipassana. On peut aussi utiliser Anapanasati pour la pratique de Vipassana, à la fois pour Samatha et pour Vipassana. On a vu hier que la pratique d'Anapanasati menait aux quatre Satipatthana, qui à leur tour menaient aux sept Indriyas et qui à leur tour menaient à l'illumination. Maintenant, on se concentre sur Samatha. Si on observe la respiration pendant une semaine ou un mois, on arrive à Upachara Samadhi, c'est-à-dire la concentration d'accès. Et si on continue encore, on arrive jusqu'à Apana Samadhi, c'est-à-dire la concentration d'absorption. L'esprit est absorbé dans l'objet. L'esprit reste avec la respiration et ne va nulle part. C'est un peu comme un scientifique, par exemple un médecin ou un scientifique qui essaye de voir les atomes, les électrons et les neutrons avec son microscope. Et quand il les voit, il trouve ça tellement passionnant, tellement intéressant, il oublie tout le reste, y compris il oublie lui-même. Il est très calme, très paisible. Et il n'y a, à ce moment, il n'y a aucune pollution. Aucune pollution mentale, aucune impureté, rien de néfaste dans son esprit. Il parvient à l'essence, il parvient au premier jhana, puis deuxième, troisième, quatrième jhana, tous les jhanas de la matière subtile, les rupa jhana. Et s'il continue sans passer encore à vipassana, s'il poursuit encore cette pratique de samatha, de la concentration pure, il peut même atteindre les Arupa Jhana, les jhanas immatériels. Dans les temps anciens, ces pratiquants qui pratiquaient les jhanas, les Rupa Jhana et les Arupa Jhana, arrivaient à obtenir des pouvoirs surnaturels, qu'on appelle Abhinya. Après avoir acquis ces pouvoirs supranormaux, seulement, ils passaient à Vipassana. Et à ce moment-là, leur progrès était très rapide. Ils atteignaient rapidement l'état de personnes nobles. Ils devenaient des personnes saintes. Ça leur prenait peut-être une semaine ou un mois ou quelques mois seulement. On a déjà vu hier ce que signifiait personne noble. Donc les personnes, les Sotapanna, les Sakatagami, les Anagami et les Arhats. Quatre types de personnes nobles, on a vu ça hier. Mais dans les temps anciens, ces personnes avaient une telle concentration, une concentration si forte, ça leur donnait un très grand pouvoir, un peu comme un radar dans l'espace ou dans l'océan qui peut tout capter 30 lieues à la ronde. Donc pour ces personnes qui ont une concentration très forte, Vipassana devient facile. Dans les temps anciens, les moines bouddhistes donc renonçaient à la vie normale, à la vie ordinaire. Ils menaient une vie simple dans la forêt ou dans les montagnes et ils pratiquaient samatha pendant de longues années et seulement après ils passaient à vipassana. Samatha n'est pas propre en fait aux bouddhistes, les chrétiens, les hindous aussi pratiquent samatha. Avant le bouddhisme d'ailleurs, le yoga hindou mettait déjà la pratique de samatha en application et les hindous atteignaient les jhanas, ils acquéraient des super pouvoirs. Même Jésus, en fait, quand on voit qu'il pouvait traverser les bras de mer ou voler dans le ciel ou aider sauver les personnes malades, on croit qu'il avait sûrement acquis samatha. Donc à présent, on est à Dhammaramsi, on pratique la théorie de l'Abhidhamma le matin et l'après-midi, on voit le côté pratique en étudiant l'Anapanasati Sutta. Mais on ne pratique pas Samatha ici, normalement, au centre. On pratique Vipassana. Pourtant, dans les premiers jours, la concentration est nécessaire. On observe l'abdomen. On tente de rester sur l'abdomen. Quand une douleur apparaît, l'esprit va vers la douleur. On tente de l'observer le plus longtemps possible. Lorsque l'on marche, on se concentre sur la marche, sur le fonctionnement de la marche. Pas gauche, pas droit, pas gauche, pas droit. En fait, c'est samatha, c'est la concentration de samatha. Heure par heure, on développe ce qu'on appelle Kanika Samadhi, la concentration momentanée, et on accumule du pouvoir de la volonté. Jour après jour, on renforce ce pouvoir de volonté. En fait, Kanika Samadhi, Upachara Samadhi et Apana Samadhi, donc la concentration momentanée d'un côté, la concentration d'accès et d'absorption de l'autre, Même si elles ont des noms différents, elles sont en fait similaires et elles procurent la même puissance lorsqu'elles deviennent fortes. Sans cette force de la volonté, on ne peut pas voir, ou alors on peut voir peut-être quelque chose, mais c'est pas très clair. C'est comme une lampe de 1000 watts. Une lampe de 1000 watts, c'est très puissant et ça permet de bien voir. De la même façon, si la force de la volonté est grande, la concentration sera forte et on verra d'autant plus clairement. Au plus elle est forte, au plus on verra clairement. Donc, même en fait, le Vipassana Yanika, donc celui qui pratique le véhicule de Vipassana, qui pratique le chemin de Vipassana, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, au départ, il pratique en fait Samatha. Pratique la concentration. Et c'est très difficile de concentrer l'esprit, c'est très difficile de maintenir l'esprit sur l'objet, de maintenir l'esprit par exemple sur le nez ou sur l'abdomen. Si on parvient à le faire pendant 10 minutes, c'est vraiment déjà bien, c'est déjà bien. L'esprit est très rapide. Acquérir la concentration, c'est quelque chose de très difficile. Donc maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Parce qu'ici, au centre d'Amarantsi, on utilise la technique de Mahasi Sayadaw. Dans les temps anciens, donc à l'époque du Bouddha et même jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, on pratiquait d'abord Samatha, et puis seulement quand on avait atteint les jhanas, on passait à Vipassana. C'est ce qui est expliqué aussi dans le Visuddhimagga. Mais après l'indépendance du Myanmar, de la Birmanie en 1949, le premier ministre Oonu a invité Mahasi Sayadaw à expliquer la méditation, à expliquer la méditation pour les laïcs. Et Oonu a demandé explicitement à Mahasi Sayadaw de donner aux laïcs une méthode qui convienne pour leur vie très occupée, pour leur vie moderne, pour leur vie urbaine. De citadins. Les gens de nos jours, a-t-il dit à Mahasi Sayadaw, ont une vie très active, ils ont des jobs, etc. Et ils n'ont pas le temps de pratiquer Samatha. Samatha demande en fait beaucoup de temps. Et donc il a demandé à Mahasi d'appliquer Vipassana Yana, donc le chemin de Vipassana, la voie du pur Vipassana. Sans passer par Samatha. Parce que cette voie du pur Vipassana peut apporter un grand bénéfice aux gens à l'époque moderne et aux Birmans. Et donc Mahasi a accédé à cette demande et il a enseigné le pur Vipassana. Mais il faut savoir quand même que sans Samadhi, Vipassana est inutile. Sans concentration, Vipassana est inutile, pardon. Sans concentration, Vipassana est inutile. Il faut Samadhi, il faut la concentration. Depuis cette époque, donc Mahasi enseigne cette méthode et c'est une bonne méthode pour les temps modernes. Pourriez me poser une question? Qui utilise Samatha de nos jours? Qui pratique Samatha de nos jours? Alors en Occident, il y a en fait la méditation zen. Un jour, quelqu'un s'est plaint auprès de moi en disant, mais les pratiquants du zen aussi pratiquent Vipassana. Mais en fait, si on regarde l'étymologie, jhana en pali, ça a donné dhyana en sanskrit et chan en chinois. Zen en japonais et zan en birman. Donc c'est le même mot chaque fois. La signification de ce mot à l'origine, c'était observer fermement l'objet. Observer fermement l'objet. À travers samatha, on obtient ainsi la volonté, la force de la volonté, et ensuite on obtient les jhanas. Le sens moderne de jhana, c'est plutôt quelque chose qu'on obtient, c'est une réalisation, On obtient les jhanas, on obtient les rupa jhanas, on obtient les arupa jhanas. Mais le sens originel, c'est observer fermement l'objet, observer fermement. Et l'avantage de la pratique de samatha, c'est que celui qui atteint les jhanas, lorsqu'il passe ensuite à vipassana, en très peu de temps, il peut atteindre l'état d'une personne noble, peut atteindre la sainteté. Si on dit maintenant la voie du jhana ou la voie de samatha, c'est la même chose. Il y a d'une part la voie des jhanas et de samatha, et d'autre part la voie de vipassana. Mais vous aussi, vous pouvez essayer, même si vous êtes ici dans un centre où on pratique vipassana, vous pouvez essayer de pratiquer samatha, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez ainsi acquérir de la force de la volonté, et étape par étape, vous progresserez, vous atteindrez l'harmonie et vous obtiendrez des résultats. Alors la question suivante, c'est quelle différence y a-t-il entre Samatha Yana et Vipassana Yana au niveau notamment des bénéfices? Donc Samatha, en fait, c'est un chemin très long, ça prend beaucoup de temps. Une fois qu'on acquiert les jhanas, alors ça va vite, on passe rapidement les stades vipassana. Mais avant d'y parvenir, ça prend beaucoup de temps. Il faut développer donc le pouvoir de la volonté. Et en plus du pouvoir de la volonté, il y a ces pouvoirs spéciaux, par exemple extra fine, l'œil divin, et lire les pensées, lire les pensées chez les autres. Maintenant, qu'est-ce que c'est vipassana? Qu'est-ce que c'est sukha vipassakayana? Donc le chemin du pur vipassana, c'est un peu comme un raccourci. Le yogi peut atteindre l'état de personne noble, peut atteindre le stade de sainteté, ou alors il peut atteindre des stades sur le chemin vipassana, mais il n'aura pas de pouvoir. Il n'aura pas non plus l'œil divin, l'oreille divine, pourra pas lire dans l'esprit des autres. C'est la véritable nature du chemin de vipassana. On peut aussi appeler Suddha Vipassana Yana, le chemin sec de vipassana. C'est un peu comme les diplômes. Je sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais en Angleterre, donc on parle de A-level, niveau A. Donc par exemple, un garçon de 10 ans passe l'examen avec 5 A, c'est comme s'il avait une distinction, et ça lui permet de faire ce qu'il veut ensuite. Il peut aller à l'université, il peut tout ce qu'il souhaite faire, devenir ingénieur, médecin, quoi qu'il souhaite, il a ça en son pouvoir. C'est le pouvoir de la distinction. D'autres enfants auront juste des résultats normaux, sans distinction. C'est comme le Suddha Vipassana. En fait, Suddha Vipassaka et Suddha Vipassana, ça a la même signification. Sukha, ça veut dire sec et sans distinction, et Suddha, ça veut dire pur, mais c'est la même chose. Dans les temps modernes, c'est pas un problème de ne pas avoir de distinction, puisque pour se déplacer, on n'a plus besoin de voler dans les airs. Mais dans les temps anciens, les voyages étaient compliqués, donc c'était pratique d'avoir des pouvoirs supranormaux. On pouvait voler où on voulait, même jusqu'au ciel. Mais si on n'avait pas de pouvoirs supranormaux, on était bien contraint d'aller à pied, on n'avait pas d'autre choix. Thank you very much for applying samatha together with for applying vipassana together with the samatha. May all of you gain nibbana in time together with this superpower. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu.